Hop. Bonjour mesdames, messieurs, personnes non binaires, je suis avec RL, salut RL. Coucou. Et donc, j'ai décidé d'interviewer RL là, dans le cadre du podcast Frankenstein. Et donc RL, je vais te poser une question piège, c'est comment est-ce que tu crées ton personnage ou tes personnages? De jeux de rôle. Jeu de rôle. Après, tu as le droit de parler de autre chose de jeu de rôle, mais il faut que tu nous parles de création de personnages en tout cas, quoi. Sur le jeu de rôle, en général, je suis la joueuse chiante, celle qui va prendre 3 heures pour faire un personnage, pour plusieurs raisons. La principale, c'est évidemment que j'ai envie de créer un personnage auquel je vais m'attacher, qui va m'intéresser, que je vais avoir envie de développer et de suivre sur le long terme, auquel je vais pouvoir aussi m'identifier. L'autre raison un petit peu plus fallacieuse, c'est que quand t'as passé 3 heures à faire un personnage, le MJ est moins enclin à le buter au moindre contretemps, histoire de t'en faire refaire un autre de 3 heures juste après, quoi. Tu dis que tu passes du temps à faire ton perso, mais t'impliques aussi le MJ là-dedans, c'est-à-dire que tu vas beaucoup le solliciter, lui poser des questions, tout ça, ou c'est vraiment un truc que tu fais dans ton coin? Je fais toujours avec le MJ parce que j'ai un petit souci avec les systèmes de jeu. Je capte jamais rien, donc j'ai toujours 15 000 questions, donc le MJ est obligé d'être là. Et du coup, c'est quoi? C'est création en solo, en tête-à-tête avec le MJ Ouais. ou alors c'est ouais, c'est pas de création, la création collective, c'est pas trop ton truc, quoi. Voilà. Après, c'est dans le cadre de jeux traditionnels. Un type Donjons et Dragons, Shadowrun, etc., où tu as des choses assez détaillées et des options très complètes et très fournies. Évidemment, si c'est un jeu avec, je pense par exemple à Prosopopée, où tu as très peu d'options à choisir, etc., pour le coup, on peut faire ça en groupe, ça va très vite. Après, c'est pas un jeu non plus qui amène le personnage à une rejouabilité énorme. Donc là, c'est sûr que ça va plus vite. En même temps, c'est aussi un peu une déception parce que même dans un cas comme ça, j'ai envie de faire un personnage que je vais aimer et de me dire, ah bah je suis déjà arrivé au bout, déjà si vite, bah du coup je suis déçu parce qu'en fait moi j'ai envie de le porter encore ce personnage. Alors, est-ce que ça veut dire que t'es frustré parce que t'aurais voulu que à la création de ton personnage il ait plus de profondeur, ou est-ce que t'es frustré parce qu'en fait au terme du one shot t'as pas exploité le potentiel de ton personnage? C'est plus qu'au terme du jeu, j'ai fini d'exploiter, en fonction de ce qui m'est proposé, j'ai fini d'exploiter le personnage. La frustration, elle vient de l'impossibilité à pouvoir le développer. En fait, ce que j'aime énormément, c'est quelque chose que je retrouve aussi pas mal dans des jeux hautement intellectuels du type les Sims 3. J'aime beaucoup permettre à mon personnage d'aller loin, de le pousser, de l'enrichir au fur et à mesure, de lui permettre de se développer personnellement. Est-ce que ça veut dire que t'as pas forcément besoin que le personnage ait un historique complexe au départ? Ce qui t'intéresse plutôt, c'est d'avoir une potentialité et puis que ça soit exploité et puis développé, étoffé au cours du jeu, quoi. Voilà, c'est plutôt ça, c'est que je vais quand même faire très attention au début aux options que je choisis, parce que je me projette déjà en fait dans l'avenir du personnage. Donc je vais vraiment prendre le temps de me dire, tiens, ça m'offre une opportunité, ou là je débloque par exemple tel type de magie. Donc évidemment, quand tu commences ton personnage, tu as deux sorts qui sont peut-être un peu pourris, puis je vois ce qu'il y a derrière et je me dis, ça me tente très bien, ça, je pourrais faire des trucs cool. Donc je vois aussi ce qui va arriver à la suite. L'idée, c'est vraiment, vraiment ça. Pour moi, c'est important quand tu as un personnage de pouvoir, enfin, quand je dis tu, je parle de moi, mais de pouvoir l'amener plus loin, en fait. Mais j'ai pas la nécessité d'avoir toutes les options dès le début. Au contraire, j'ai pas envie qu'il soit très complet, qu'il soit tout à fait fini, parce que ça casse la découverte, quoi. Coup, tu laisses explicitement des, enfin, parce qu'on a parlé un petit peu de vraiment l'aspect technique, pour le coup, parce que, genre, tu parlais de comment on évalue la progression possible du personnage, ça fait penser à Donjons et Dragons, où tu sais, des fois, dès la création, tu vas essayer de préparer ton personnage parce que tu vises telle classe de prestige, donc tu vas acheter les dons qui vont bien pour aller vers cette classe de prestige. Donc ça, c'est l'aspect technique, mais est-ce que... dans l'aspect historique, enfin, est-ce que tu prévois quelque chose au niveau intrigue du personnage, arc narratif, est-ce que tu as aussi cette idée de progresser vers un développement Au niveau du... En fait, vraiment, c'est con, hein, mais comme je disais, sur les jeux vidéo, ça revient aussi. J'aime vraiment beaucoup développer les compétences, parce que j'aime beaucoup vraiment développer mes compétences dans la vraie vie. Et c'est quelque chose qui me porte, et en effet, l'aspect background, c'est pas qu'il disparaît ou c'est pas qu'il est inexistant, parce qu'il en faut toujours un petit peu pour pouvoir interagir avec les autres joueurs, avec les autres personnages. C'est évident qu'il te faut toujours un peu de contexte autour. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la partie que je vais le plus développer. J'ai envie qu'ils sachent faire des trucs cool, quoi. Ce qui me fait rêver, c'est de me dire, ouais, il va regarder tel truc, il va le faire exploser par la pensée, n'importe quoi, tu vois. Ça sera plus éventuellement, ouais, dans l'action que je vais vraiment m'éclater. Après, évidemment, je joue pas toute seule, donc c'est sûr que d'ajouter du background, mais je vais jamais trop le pousser. Je vais avoir quelques petits critères de base, quoi, du genre quelques petits trucs familiaux, quelques petits événements passés, mais je vais pas faire des rédactions de 10 pages comme tu me parlais il y a pas très longtemps, des gros pavés détaillés avec le nom de toute la famille, des oncles et les tantes et les... Non, ça par contre je fais pas. J'avais une amie qui faisait ça, hein, des classeurs de personnages de 10 pages au minimum, quoi. Ça pouvait être plus long. Ça, c'est quelque chose que je vais plus garder pour les romans. Pour des personnages de romans que je vais vouloir développer, et parce que, comme en plus là je travaille sur une série, j'ai pas mal d'idées qui me permettent déjà de voir un petit peu ce qui va se passer sur les tomes suivants, mais je sais pas forcément l'intégralité des événements qui vont arriver, donc ça je les couvre un peu au fur et à mesure de l'écriture aussi, et ça me permet de pallier aux questions qui pourront se poser, de pas me retrouver bloqué dans l'écriture en me disant « Ah ouais, mais du coup, elle a une grand-mère, attends, bah du coup, elle a pas de nom, comment je pourrais l'appeler ?» Recommencer à faire des recherches pour les noms, parce que comme je suis quelqu'un très pointilleux et relativement perfectionniste, trouver le nom d'un personnage, ça peut me prendre une heure ou deux. Donc là, ouais, j'ai plus détaillé. J'ai plus détaillé aussi pour avoir une cohérence d'ensemble, éviter que bah, ton personnage aux yeux bleus prenne les yeux marrons 4 chapitres plus loin. Je vais développer aussi parce que le non-dit ou l'implicite peut apparaître des fois des informations que moi je sais et que les autres ne savent pas, qui vont pas être données, mais qui vont quand même apporter des fois un changement de comportement ou quelque chose que tu pourras peut-être développer dans un tome ou deux, qui est déjà là, mais qui n'est pas forcément obligatoirement montré du doigt, quoi. Je voudrais faire un petit parallèle avec une autrice de littérature bitlit. Enfin, je pense qu'elle a peut-être d'autres cordes à son arc, mais je me rappelais surtout de ça, qui s'appelle Sophie Dabba. Et en fait, entre guillemets, pour produire un roman, tu sais, diffusé, qui va être, mettons, je sais pas, de 300 pages, 300 pages, 400 pages, elle, d'abord, elle écrit un roman de 1000 pages parce qu'elle a besoin de visualiser un maximum de la vie privée de son personnage principal, notamment. Si nécessaire, tu vois, elle va écrire des pages pour décrire le personnage en train de se brosser les dents le matin, quoi. Parce que pour elle, c'est pour se mettre vraiment dans le personnage. Mais après, au final, ça va être élagué et le public ne va pas lire tout ça, en fait. Alors que moi, c'est l'inverse, au final. J'ai écrit toujours très condensé, je suis quelqu'un d'hyper synthétique, et je suis obligée de tout reprendre pour développer, pour rajouter, sinon mon histoire, elle pourrait tenir en 3 pages, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, non, et c'est pour après, ça faut que tu rajoutes de la chair, quoi. Ouais, c'est pour ça que je travaille sur un guide, un petit guide avec des questionnaires assez poussés de création de personnages, parce que justement, ça me permet de jeter des idées avec 2 mots, 4 mots, une demi-phrase à tout péter, qui sont elles déjà pleines de sens et pleines d'informations, et dans lesquelles je vais pouvoir aller piocher après justement pour remplir quoi. C'est je me les descriptions, c'est pas que je sais pas en faire, c'est juste que sur le coup, quand l'histoire me vient, tout ça arrive derrière. Je contextualise après. Et finalement, au jeu de rôle, ça se ressent aussi. Moi, j'aime bien quand ma fiche de perso, elle rentre sur une page. T'as bam bam les compétences et tout. Tu vois tout d'un seul coup d'œil. Et tout, pour moi, tout est très clair comme ça. Et j'ai pas besoin d'avoir un gros pavé derrière de phrases que je vais pas relire. Parce qu'en fait, en partie, quand t'es dans l'action, quand t'es dans l'échange, t'es pas en train de feuilleter ton roman personnel de background pour te dire, attends, si j'avais écrit un truc là-dessus. Moi, j'aime les listes, quoi. Deux mots, bam, bam, voilà. Ok, mais si j'ai bien compris, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas eu une documentation des recherches. La fiche en elle-même est très synthétique, mais il y a peut-être eu du travail avant, en fait, pour justement choisir ces mots-là, quoi. En fait, c'est limite plus un pense-bête, c'est que le personnage, quand je le crée, au fur et à mesure, et c'est pareil sur du jeu vidéo, hein, je choisis une couleur de cheveux, je pense à un détail, pourquoi je choisis celle-là, parce que j'imagine toute une histoire derrière. Où je projette un petit peu un sentiment de toute une histoire derrière. C'est pas forcément toujours très net. Mais il y a toujours une raison. Je me dis, tiens, bah, pourquoi je prends cette arme? Bah, je prends cette arme parce qu'elle m'évoque des choses intrinsèquement. Tout ça, en fait, ça résonne dans mon imaginaire, on va dire. Et j'ai juste besoin d'un ou deux mots qui me servent de pense-bête. Et je vais lire ces deux mots. Et ces deux mots, ils vont évoquer tout un imaginaire derrière qui est hyper lourd, quoi. Et je vais aller piocher là-dedans, du coup, au fur et à mesure, il y en aura une espèce de va-et-vient entre mon imaginaire intérieur et l'évocation de ce petit mot, quoi. Ça, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Et du coup, cette description succincte hein, du personnage qui, en fait, cache beaucoup de choses que tu as en tête derrière. Est-ce que c'est forcément quelque chose qui doit être sortir de ta propre imagination, ou est-ce que tu acceptes des contraintes créatives type avoir à choix de comment suivre une demande du MJ, avoir à prendre des traits dans une liste genre d'avantages défauts ou carrément faire des tirages aléatoires? Les listes avantages défauts, ça me pose pas de problème. En plus, moi, j'aime bien les défauts. C'est quelque chose que je développe dans mon jeu et que je mets en avant énormément parce que je trouve que ça évite d'avoir un personnage trop lisse. C'est peut-être un peu chiant s'il est trop parfait, s'il a que des qualités, s'il a que des compétences. Ça, c'est pas très réaliste. Mais par contre, le tirage au sort, j'ai plus de mal. J'aime bien choisir. Et en plus, je suis très pénible parce que je mets 10 ans à choisir. Et quand j'hésite entre deux trucs, la meilleure solution pour moi, c'est de prendre les deux. Parce que, sauf que c'est pas toujours possible. Et là, ouais, c'est là où c'est long, en fait. Parce que j'ai du mal à choisir. Ah, mais ça, c'est bien. Mais j'aimerais bien ça aussi. Je sais pas. Et là, c'est éternel. Mais ouais, non, j'aime beaucoup choisir. Parce que ça participe de la construction, quoi. Des fois, si j'ai bien compris, il y a des choix mortels. Est-ce que tu te sens à l'étroit avec tous les systèmes de création de personnages où tu sais, t'as des points de création et en fait, je dis n'importe quoi, t'as prévu que ton personnage il sache faire ça, ça, ça, ça plus ça, mais en fait, t'auras jamais assez de points de création pour qu'il fasse tout ce que tu veux, ou alors il le fera tout, mais vraiment très mal, quoi. Non, ça ne me dérange pas du tout, parce que justement, il y a ce principe d'évolution du personnage. Je sais qu'au début, je vais le doter de certaines capacités qui sont limitées, c'est normal. On va partir du principe que c'est un personnage débutant qui n'a pas encore eu le temps de s'épanouir. Et je compte sur l'idée de pouvoir grappiller tout ce qui me manquait plus tard. C'est vrai que j'ai une wishlist, souvent une petite wishlist à côté, pour les fois d'après, quand tu as récupéré des points d'XP ou des points de création, des choses comme ça, pour acheter ce que je m'étais mis de côté dans ma tête. Et justement, c'est une récompense, quoi. J'ai réussi à lui faire gagner ça. Ça y est, il l'a. Je le voulais au début, maintenant je l'ai, je suis contente. Et au contraire, ça, pour le coup, ça me dérange pas du tout. Parce que le système de jeu permet à ton personnage de l'acquérir au fur et à mesure, à condition que ton maître de jeu bute pas ton personnage à la deuxième manche, quoi. C'est ça. Mais comme j'ai passé 3 heures à le faire, en général, ils hésitent, ils ont pas envie de me revoir une deuxième fois, une troisième, troisième fois, une séance de 3 heures, quoi. Est-ce que tu saurais me dire le souvenir d'un jeu ou d'un MJ ou d'une table où vraiment tu as vraiment eu du fun à créer ton personnage, et est-ce qu'inversement tu as un mauvais souvenir d'où clairement tu pouvais pas créer ton personnage comme tu voulais Je n'ai pas de souvenir de frustration. De... Mais je suis pénible, hein, donc peut-être qu'on ne va pas trop me contredire, je ne sais pas. Non, mais j'ai eu une table quand j'étais sur Toulouse, ouais, où ça se passait vraiment très bien, avec des punks et tout, c'était rigolo. c'était relativement libre, on faisait à peu près ce qu'on voulait. C'était pas trop punitif, il fallait pas non plus trop déconner. Et il m'est arrivé quelques bricoles. C'était des sanctions gentilles, quoi. Et c'était quand même là quand tu sortais du personnage ou tu sortais du contexte, on te faisait remarquer que bon, là, non, bah, c'est du UNSMV ou sans faire gaffe. J'étais là, oh mon Dieu, et je vois un démon, donc forcément, j'en ai pris une. Et j'essaie de vendre que c'était hors roleplay, mais le MJ a pas voulu. Non, moi j'ai toujours été contente de mes personnages, j'ai toujours été contente de les... Si, il y a une fois, si, maintenant que tu me dis, il y a une fois, où j'avais voulu sortir de ma zone de confort, et j'avais pris une espèce de barbare gros bile, grosse bile, avec une hache à double tranchant, tout dans le charisme et dans la force, quoi. Et puis, à un moment, il nous envoie... buter un dragon ou un je sais pas trop quoi pour récupérer des écailles. Et là, il y a eu vraiment un conflit entre mon instinct de ma violence personnelle et le fait que toute l'équipe comptait sur moi pour dézinguer le gros machin. Je me suis fait dans le froc et je les ai laissés se démerder parce que j'étais pas pour l'idée. Et le maître de jeu est venu me voir à la fin de la partie pour me dire, mais c'était à toi de le faire, t'avais les moyens de le faire. Et là, ouais, j'ai senti que vouloir sortir de ma zone de confort, j'étais plus en accord avec mon gameplay, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est des expériences. Il y a une fois, oui, j'ai voulu jouer un démon de la folie aussi, et en fait, c'est très très dur, quoi. Enfin, si tu veux bien le jouer, si tu veux faire quelque chose qui soit fun et cohérent. Et là, je me dis, oui, c'est pour ça que quand je vois des nouveaux joueurs ou des petits jeunes qui arrivent et qui commencent à vouloir trop partir dans du roleplay à l'opposé pour son côté cathartique peut-être, ou je sais pas, je suis là, attention, ça si c'est trop éloigné de ce que tu es capable de faire, tu risques de te retrouver coincé, et ça m'est arrivé, donc. Mais c'est plus une question de mauvais choix personnel. Après, c'est le gros débat qu'on a eu sur les courants alternatifs, sur l'acting et le role-playing, et la différence ou les concordances. Alors là, on en a pour des heures, parce qu'ils n'ont toujours pas fini leur pavé. Il y a une part peut-être d'acting, oui, y a peut-être des personnes qui ont l'habitude de jouer des rôles qui sont complètement de composition, qui ne sont pas du tout de leur naturel. Je ne sais pas, pourquoi pas, je n'ai pas la possibilité de pouvoir y arriver, mais à mon avis, ce n'est pas donné à tout le monde. En fait, si j'en crois tes paroles, surtout que c'est du travail, quoi. Ça s'improvise pas, quoi. Voilà, ouais, pour le coup, là, on quitte la fameuse improvisation et oui, il doit y avoir quand même des connaissances à avoir ou des compétences à maîtriser pour y arriver, je pense. Mais ça, c'est juste mon avis et c'est un sujet très épineux, donc. Écoute, je sais plus. Ouais, on a parlé de tes listes de champs lexicaux. Oui, bah ça c'est la partie de création de personnages de fiction. Donc c'est le fameux petit guide où parmi les questions, j'ai un tableau de 700 adjectifs que j'ai compilé pour définir au mieux la personnalité, le caractère, et dans lequel je vais piocher. Je vais aussi fixer un peu mon personnage. Et après, c'est une liste qui est pas définitive non plus. C'est ce qui va me permettre de voir est-ce que mon roman, mon volume, a permis à mon personnage d'évoluer et de changer. Justement, si je suis amené à déplacer des petites coches d'une case de trop, pas du tout, un peu, beaucoup, c'est que le roman a eu une utilité, quoi. Je pense que c'est justement ce qui passe, c'est si je modifie vraiment rien du tout. Si je modifie rien, c'est que mon personnage n'a pas changé, donc je peux jeter mon volume à la poubelle. À l'inverse, peut-être que tu voudrais pas non plus que le personnage change de complètement personnalité toutes les deux pages, quoi. Oui, voilà, il ne faut pas qu'il change à mon insu. par mégarde, par inattention. Par sa cohérence, oui. Voilà. Donc il y a ça, évidemment, qu'il faut surveiller. Il faut que tu sois cohérent sur ton ensemble. Et puis aussi, ça permet de vérifier. J'ai mis des contraires face à face, ou des opposés, ou des... de pas mettre quelqu'un qui est gentil et méchant. Enfin, après, tu peux avoir des cas de figure où quelqu'un de gentil peut devenir méchant, évidemment. Mais dans l'ensemble du caractère, faut pas que t'aies deux choses qui soient opposées beaucoup. Sinon, ton personnage n'est pas cohérent. Ou alors, il a un problème de psyché important pour lequel il doit consulter, quoi. Mais, après, comme je te dis, il y a toujours le cas de figure ou l'exception qui peut se greffer et qui... l'historique personnel du personnage, et c'est pour ça qu'il y a aussi le questionnaire, hein, parce que tout doit résonner ensemble. Là, j'ai prévu de rajouter aussi un petit portrait chinois et des verbes, voilà. Mais c'est ta boussole. Après, quand tu vas écrire, de temps en temps, tu vas y retourner pour voir où t'en es dans le personnage, quoi. Après, c'est comme un peu le principe d'une campagne. C'est que du coup, je suis parti sur une série, donc ça va me suivre un moment, et puis il y aura des pauses, et il y aura peut-être des moments où je vais faire autre chose. Donc. Mais du coup, tu gardes tes fiches de personnages au chaud pour te rappeler comment ils sont, quoi. Voilà. Ça évitera les trous de mémoire. Eh ben, on remercie tout le monde pour votre écoute. Merci. Puis on va vous laisser. Ciao. Ciao, ciao.